بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue aux chers frères et sœurs, aux chers frères et sœurs pour ce troisième cours dans l'explication de منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. Le chapitre du jeûne, Kitab al-Siyam. وقد وصلنا إلى كلام المؤلف رحمه الله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. Le malade, celui dont le jeûne lui fait du tort, ainsi que le voyageur, ces deux-là peuvent rompre le jeûne et aussi jeûner. Ils peuvent rompre ou jeûner. أيها الإخوة ينبغي أن يعلم أن العلماء قد أجمعوا على جواز الفطر في السفر وللمريض. Oh, chers frères, il est important de savoir que les savants sont unanimes quant au fait que celui qui est en voyage et le malade peuvent rompre le jeûne. Ils se basent pour cela sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape ses jours manquants. Alors qu'il rattrape ses jours manquants. فالجماهير قالوا بالجواز فحسب. أما ابن حزم الظاهري فقال بالوجوب. Et donc la grande majorité des savants, ils ont juste cité que cela est permis. Il est permis concernant le voyageur de rompre le jeûne. La grande majorité. Ibn Hazm al-Zahiri, quant à lui, il voit que cela, en plus d'être permis, il voit que cela est obligatoire. Il est obligatoire aux voyageurs de rompre le jeûne. Wa ma huwa dalil Ibn Hazm? Quelle est la preuve d'Ibn Hazm, rahimahullah? Istadalla bil ayati nafsiha. Il s'est basé sur le même verset qu'on a cité précédemment. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape ses jours manquants. قال إن الله تبارك وتعالى لم يذكر إلا القضاء. Il a dit que Allah تبارك وتعالى, il n'a cité que le fait de rattraper ses jours manquants. Il n'a pas cité le fait de continuer à jeûner. Et donc il est obligatoire de rompre le jeûne durant le voyage. واستدل كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. Et Ibn Hazm rahimahullah, il s'est aussi appuyé sur la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Le fait de jeûner durant le voyage ne fait pas partie de la piété. Le fait de jeûner durant le voyage ne fait pas partie de la piété. لكن هذا الاستدلال أيها الإخوة غير صحيح في غير محله. Cependant, cette utilisation des preuves n'est pas correcte. Cette utilisation des preuves n'est pas correcte, ô chers frères. فأما الحديث فقد أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر. En ce qui concerne le hadith que j'ai cité précédemment, il faut savoir que ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari rahimahullah dans son Sahih, selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un rassemblement, zihaman, il a vu un rassemblement, et un homme sur lequel on a fait de l'ombre. Il n'était pas bien, alors on a fait de l'ombre pour cet homme. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a de dire, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Il fut dit, un jeûneur. C'est un jeûneur, au messager d'Allah. Alors il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, laysa min al-birri as-sawmu fi safari. Alors il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne durant le voyage ne fait pas partie de la piété. Idan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala hadha al-kalam li sababin. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit cette parole pour une cause spécifique. Fa in kana ar-rajulu yasumu fayashukku ala nafsihi ila hadhihi ad-daraja fayahtaj ila an yudhallal alayhi wa qad yughma alayhi fala shakka anna sawmahu fi as-safari laysa min al-birr. Et donc si l'individu, il est donc en voyage et qu'il va jeûner et se mettre dans une difficulté, à tel point qu'il a besoin qu'on lui fasse de l'ombre, ou il se peut qu'il s'évanouisse, qu'il mette sa santé en péril, alors il n'y a nul doute qu'il n'y a pas de piété dans ce que ce jeûne-là ne fait pas partie de la piété. Il n'y a nul doute que ce jeûne-là n'est pas correct. Il ne nous est pas demandé de mettre notre santé en danger. C'est pour cela qu'il a dit cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous ne pouvons pas utiliser ce hadith pour dire que il est interdit de jeûner durant le voyage. Amma al-aya fa qala ahlu at-tafsiri ma'naha فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. En ce qui concerne le verset, alors les gens du tafsir, ils ont dit la signification du verset, c'est celui d'entre vous qui est malade ou en voyage et qui a rompu le jeûne, et qui a rompu le jeûne, alors qu'il rattrape des jours manquants. Voilà la signification du verset. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز الصيام والفطر في السفر. Et certes, il y a beaucoup d'ahadith qui montrent la permission du jeûne et de rompre le jeûne durant le voyage. Et certes, nous allons citer plusieurs de ces ahadith Inch'Allah ta'ala, lorsque nous allons aborder le deuxième sujet, la divergence entre les savants concernant ce qui est mieux, le mieux à faire. Inch'Allah ta'ala. Et donc l'avis le plus juste, c'est le qawl sahih, anna al-fitr ja'izun, anna al-fitr ja'izun wa laysa biwajibin fi safar. Et donc l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, est que le fait de rompre le jeûne est permis et que cela n'est pas obligatoire durant le voyage. طيب, اختلفت العلماء في الأفضلية. Et donc les savants, ils ont divergé aussi concernant le fait de savoir ce qui est mieux, ce qui est préférable. Qu'est-ce qui est préférable pour le voyageur? De rompre son jeûne ou de jeûner? Ma هو الأفضل? Qu'est-ce qui est préférable? فذهب بعض الشافعية إلا أن الأمرين متساويان. Certains savants de l'école chafiite, ils voient que les deux sujets sont égaux, c'est-à-dire que tu peux rompre le jeûne ou jeûner, c'est la même chose. Aucun sujet n'est meilleur que l'autre, aucune méthode n'est meilleure que l'autre. وذهب الجمهور إلى أفضلية الصيام. الجمهور, il voit que il est préférable de jeûner. Al-Jumhur, il voit qu'il est préférable de jeûner. Pourquoi? Parce que ils disent que la majorité des hadiths qui citent le voyage, la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le voyage, montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait pendant les voyages. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce qu'il y avait de mieux. Et donc, si le fait de rompre le jeûne était meilleur que le fait de jeûner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait rompu le jeûne. Ça, c'est l'argumentation de l'Jumhur, la majorité des savants. Et donc, il voit qu'il est meilleur de jeûner pendant le voyage. Les savants de l'école Hanbalide, eux, ils voient qu'il est meilleur de rompre le jeûne pendant le voyage. Pourquoi? فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant le fait de rompre le jeûne durant le voyage. Il a alors dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est une permission venant d'Allah. Celui donc qui veut prendre cette permission, alors cela est bien. Alors cela est bien. Et celui qui préfère jeûner, alors il n'y a pas de mal en cela. Ils nous disent ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la distinction entre le fait de rompre le jeûne et le fait de jeûner. Concernant le fait de rompre le jeûne, il a dit que cela est bien. C'est bien fait, Hassan. Et concernant le fait de jeûner, il a dit, il n'y a pas de mal en cela. Et c'est sûr que le fait de dire que quelque chose est bien, et d'une autre, il n'y a pas de mal en cela, et donc on comprend que ce qui est bien est mieux que ce dont il n'y a pas de mal à le faire. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مسافرين فتعب في يوم حر شديد فتعب الصائمون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était en voyage avec ses compagnons durant un jour de forte chaleur. Et les jeûneurs furent fatigués. Et donc, ce sont les non-jeûneurs qui ont préparé les tentes et qui ont nourri les bêtes, qui ont abreuvé les bêtes. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dhahab al-muftiruna. Les non-jeûneurs aujourd'hui ont pris les récompenses. Les non-jeûneurs aujourd'hui ont pris les récompenses. Et donc, Al-Hanabila, il voit alors qu'il est préférable pour le voyageur de rompre le jeûne. Et on a déjà vu l'avis de Zahiriya qui voit que il est obligatoire, yajibu al-fitr, il est obligatoire de rompre le jeûne. Faqalu inna man sama fa samuhu batil. Ils disent Zahiriya que celui qui jeûne durant le voyage, alors son jeûne est caduque. Il doit le refaire dans tous les cas. Même si tu jeûnes en voyage, tu dois le rattraper après. Ton jeûne, il est caduque. Et on a déjà montré donc que cet avis n'est pas correct. Le dernier avis, c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah. C'est que le meilleur, c'est le plus facile. Ce qui est préférable de faire durant le voyage, c'est ce qui est plus facile. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit yuridu Allahu bikum al-yusr. Allah, il veut pour vous la facilité. Et donc, fa qad yakunu sawmu aysar li ba'd an-nas wa qad yakunu al-fitr aysar. Il se peut que le jeûne soit plus facile pour certaines personnes, il se peut que le fait de rompre le jeûne soit plus facile pour d'autres. Na'am, vous allez me dire, mais comment se fait-il, Abdel Karim, que le fait de jeûner, c'est plus facile en voyage? En effet, pendant Ramadan, tout le monde jeûne. Et donc il y a l'ambiance, il se peut que ça soit plus facile de jeûner à ce moment-là plutôt que quand tu es tout seul à rattraper le jeûne. D'accord? وكذلك أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ومن وجد ضعف ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. L'imam Muslim a cité dans son recueil, selon Abi Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, qui dit « Nous étions en voyage pour une bataille avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant Ramadan. » Durant Ramadan. Et certes, le jeûneur ne faisait pas de reproche au non-jeûneur, et le non-jeûneur ne faisait pas de reproche au jeûneur. Personne ne faisait de reproche à l'autre. Il voyait, et donc il continue, donc Abu Saïd, et il nous dit, il voyait que celui qui trouve en lui de la force et qu'il jeûne, alors cela est bien. Et celui qui trouve en lui de la faiblesse et qu'il rompt le jeûne, alors cela est bien. Et donc on voit clairement ici, aux chers frères, que en fait, ce qui est voulu, c'est une permission et que chacun prend ce qui est le plus facile pour lui. Et que le mieux pour chacun, c'est ce qui est le plus facile pour lui. Parfois, certaines personnes veulent obliger les autres. Ah, il faut que tu romps, il faut que tu jeûnes, etc. Non. Toi, tu vois que le mieux pour toi, c'est de rompre. L'autre, il voit que le mieux pour lui, c'est de jeûner. Alors, en fait, comme les sahaba, radiallahu anhum, le jeûneur ne reprochait pas au non-jeûneur, le non-jeûneur ne reprochait pas au jeûneur. Alhamdulillah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. Et donc, il nous dit, rahimahullah, et la femme menstruée ainsi que la femme qui a ses lochies, il leur est interdit à toutes deux de jeûner. Et elles doivent toutes les deux rattraper leur jeûne. Elles doivent toutes les deux rattraper leur jeûne. أيها الإخوة هذه المسألة قد أجمع العلماء عليها. Et donc, aux chers frères, donc les savants sont unanimes concernant ce sujet. Les savants sont unanimes sur le fait que la femme menstruée ainsi que la femme qui a ses lochies, il leur est interdit de jeûner donc il leur est interdit de jeûner durant cette période. Mais par contre, il leur est obligatoire de rattraper. Il leur est obligatoire de rattraper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Alaysat idha haadat lam tusalli wa lam tasum » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit concernant la femme menstruée « N'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne jeûne pas, elle ne prie pas et ne jeûne pas » N'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas ? Et ensuite l'auteur qui nous dit « Rahimahullah »« Walhamilu » والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, la femme enceinte ainsi que la femme qui allait, si elles ont peur concernant leurs enfants, la femme enceinte ainsi que la femme qui allait, si elles ont peur concernant leurs enfants, on dit bien concernant leurs enfants, pas concernant leur santé à elles, alors à ce moment-là, elles vont rompre le jeûne, elles vont rattraper et elles vont nourrir un pauvre pour chaque jour manquant. Et donc ce qui veut dire, si elles ont peur pour leurs enfants, pas pour elles, il leur est permis de rompre le jeûne, mais attention, elles doivent, en plus de rattraper, elles doivent aussi nourrir un pauvre pour chaque jour. Elles doivent aussi nourrir un pauvre pour chaque jour. Et ça, cet avis, c'est l'avis de El-Hanabila et de Shafi'iyya. C'est l'avis donc de l'école Hanbalite et de l'école Shafi'ite. que si la femme elle a peur pour son enfant, alors à ce moment-là, elle va nourrir et elle va rattraper les jours de jeûne. Ils disent par contre, si donc la femme enceinte et la femme qui allaite, elles ont peur concernant leur propre personne seulement, alors à ce moment-là, elles vont juste rattraper les jours de jeûne. Et donc on fait la distinction entre le fait est-ce qu'elle a peur pour elle ou est-ce qu'elle a peur pour ses enfants. La preuve de cela, elles disent donc on va comparer cette femme donc au malade. On va comparer cette femme au malade. Pourquoi? Parce que si elle a peur concernant sa propre personne, si elle a peur concernant sa propre personne, alors à ce moment-là, elle est comme le malade qui a peur pour sa propre personne. Elle est comme le malade qui a peur pour sa propre personne. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a permis au malade de rompre son jeûne, mais il doit rattraper par la suite. Et donc ils disent, la femme enceinte doit rattraper par la suite. El-Ahnaf, les savants du madhhab hanafite, ils voient que la femme enceinte et la femme qui allaite doivent seulement rattraper les jours de jeûne. Elle n'a pas à nourrir des pauvres. Elle doit seulement rattraper les jours de jeûne, comme le malade. Ça aussi, eux aussi, ils ont fait la comparaison avec le malade. وذهبت المالكية إلى الإطعام على المرضع دون الحامل. Et certes, المالكية, les savants de l'école malikite, eux, ils voient donc qu'il est obligatoire à cette femme enceinte, ou, il est obligatoire, excusez-moi, à cette femme qui allaite, il lui est obligatoire de nourrir des pauvres. La femme qui allaite, il lui est obligatoire de nourrir des pauvres, contrairement à la femme qui est enceinte. Et donc toutes ces écoles se sont basées sur el-qiyas, le fait de dire que donc le fait de comparer la femme enceinte au malade, en fait, le fait de comparer la femme enceinte ou la femme qui allaite au malade. Tous ces avis sont basés sur cette comparaison. Et chacun va avoir sa compréhension de cette comparaison. Voilà qui est sahih, ayyuhal ikhwa, anna al-mar'a al-hamil wa al-murdi'a la tuqas ala al-marid. Et donc, on ne dit pas que, cependant, l'avis le plus juste au Shafka, c'est qu'on ne peut pas comparer la femme enceinte au malade. On ne dit pas cela ni dans la langue arabe, ni dans la médecine. Ni dans la médecine, on ne va pas dire que la femme enceinte est malade. Ce n'est pas considéré comme une maladie. Et donc, il ne convient pas de comparer les deux. Khassatan annahu min particulièrement qu'il a été rapporté des compagnons, ce qui contredit ses avis. Ce qui contredit ses avis. Le fait que la femme enceinte ou la femme qui allaite doit rattraper. Fait akhrajat Dharqutni bisnadin sahih annahu ja'at umm waladin ila ibn Abbas radiyallahu anhuma فقال لها أفطري وأطعمي لكل يوم مسكينا وفي رواية ولا قضاء عليك. الدارقطني il a cité dans son recueil avec une chaîne de transmission authentique qu'une Umm Walad, donc ce terme qui est utilisé donc pour une femme esclave qui avait un enfant, est venue vers Ibn Abbas radiallahu anhuma interrogée concernant sa situation. Alors, Ibn Abbas il lui a dit, romps le jeûne et nourris un pauvre pour chaque jour. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lui a dit, romps le jeûne et nourris un pauvre pour chaque jour. Et tu n'as pas à rattraper. Tu n'as pas à rattraper. Et donc la femme qui allaite, la femme enceinte, n'a pas à rattraper. Et elle n'est pas obligatoire de rattraper. Elle doit juste nourrir un pauvre pour chaque jour. Elle n'est pas comparée au malade. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال لابنته افطري واطعمي لكل يوم مسكينا ولا قضاء. Et aussi même chose, ibn Omar رضي الله عنهما, il a dit à sa fille, il lui a dit, romps le jeûne et nourris un malade pour chaque jour de jeûne manqué, et il n'y a pas de rattrapage. Voilà, qadar, il n'y a pas de rattrapage. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا أعرف لهما مخالفا من الصحابة. ابن قدامة il dit dans المغني, il dit, et je ne connais pas quiconque parmi les compagnons qui a eu un autre avis que ces deux-là. Il ne connaît pas, Ibn Qudama, quiconque parmi les compagnons qui a eu un autre avis que ces deux-là. Ça, c'est important, ça. وكذلك جاء في سنن أبي داود. جاء في سنن أبي داود ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Et concernant ceux et ceux qui ont la capacité de le faire avec difficulté, ils nourrissent un pauvre. Ils nourrissent donc un pauvre. Fidyatun ta'amu miskin. Donc l'expiation est de nourrir un pauvre. Qal Ibn Abbas il dit: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. Et donc il dit, Ibn Abbas radiallahu anhuma, ceci était une permission pour le vieux, pour le monsieur d'homme âgé, ainsi que la femme âgée, qui pouvait jeûner, mais avec difficulté. Il leur était permis de rompre le jeûne et de nourrir à la place un pauvre pour chaque jour. Et de la même façon, il était permis à la femme enceinte et la femme qui allait, si elles avaient peur. Si elles avaient peur. Et certes, les textes ne stipulent pas la différence. Est-ce qu'elle a peur pour elle-même ou est-ce qu'elle a peur pour ses enfants? Ça, ce sont donc les ulémas, donc les écoles de jurisprudence qui ont fait la distinction par la suite. D'accord? Et donc voilà pourquoi l'avis le plus juste dans ce sujet, Inch'Allah ta'ala, wal ilmu indallah, et la science est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que la femme enceinte et la femme qui allait, il ne lui est pas obligatoire de rattraper. Il ne lui est pas obligatoire de rattraper. Ce qui est obligatoire, c'est de nourrir un pauvre pour chaque jour. Taïm, si elle veut rattraper ses jours, si elle veut rattraper ses jours, elle peut le faire. Lakin annakul yajibu alayk. Fahadha al-qawl yahtaj ila dalil. Si on, par contre, si on veut lui dire il était obligatoire de rattraper, alors là, cette parole nécessite une preuve. Cela demande une preuve. Pour dire à quelqu'un il est obligatoire que tu fasses, il faut une preuve. Donc voilà par rapport à ce sujet. Wa hadha huwa ikhtiyar al-'allama al-albani rahimahullah min ulama'ina al-mu'asirin. Et aussi c'est l'avis de Cheikh, donc le très savant al-albani rahimahullah, parmi nos savants contemporains. Parmi nos savants contemporains. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit « Wal ajizu anis sawmi li kibarin au maradin la yurja bur'uhu fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskina. » Et donc, celui qui n'a pas la capacité de jeûner à cause de son âge, donc à cause du fait qu'il est âgé ou qu'il est malade, qu'il a donc une maladie dont on n'espère pas la guérison. Une maladie dont on n'espère pas la guérison. Une maladie donc que la personne va avoir avec elle tout le temps. Alors, celui-ci va donc nourrir un pauvre pour chaque jour. Celui-ci va nourrir un pauvre pour chaque jour. Et donc ça, c'est dans la continuité du verset qu'on a cité tout à l'heure. Donc ce même verset que nous a expliqué Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui montre ce verset qui a été cité pour donc la personne âgée ou alors la personne donc qui a une maladie qui va perdurer ou alors donc une maladie chronique si je ne me trompe pas, donc une maladie qui perdure ou alors donc la femme enceinte et la femme qui allaite. La femme enceinte et la femme qui allaite. Et donc voilà pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On continue la semaine prochaine, bi'iznillahi ta'ala. Dans l'explication de ce chapitre très important, le chapitre du jeûne tiré de Manhaj as-Salikin, wafaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayra.